Cette semaine, ordinateur versus humain. Nous savons que l'intelligence artificielle fait des progrès impressionnants, comme Nico nous l'a présenté la semaine dernière. Nous savons aussi que la bêtise humaine repousse sans cesse les limites. Nous savons aussi que les ordinateurs ont beaucoup plus de mémoire et de capacité de calcul que nous. Mais les ordinateurs manquent d'imagination. Mais ils apprennent très vite. Mais quel suspense insoutenable ce soir! Salut à tous. Bon, ben, je reprends la parole quand même. Du coup, parce que ce soir, c'est un peu particulier, on a un tour de table extrêmement réduit. Alors, on a au moins Robin qui est bien présent avec Boson, qui, là, est plutôt silencieux. Salut, Robin. Salut. Non, je m'étais muté, c'est tout. A priori, pendant le générique, on a trouvé Johan. Salut, Johan. Salut. Et on a perdu Irène. Donc, salut, Irène. Mais je crois qu'elle essaie de se reconnecter, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Donc, on verra si elle arrive à revenir un peu plus tard dans la conversation. Et puis, bah, c'est à peu près tout pour le tour de table. Je crois qu'on a Pascal aussi qui est dans la chatroom et Samuel qui commence à faire son travail de diffusion et puis un Pouillot National qui est déjà prêt à faire des dessins. Voilà, voilà pour le tour de table. Je crois que j'ai oublié personne. Je ne pense pas, ouais. Alors, au programme de l'émission de ce soir, bah, on a mon dossier, donc la deuxième partie. La première partie, c'était sur le deep learning. Cette semaine, comme le disait Robin, on va essayer de voir humain versus machine, où on en est, où on va, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Vous allez voir que c'est un peu un voyage au gré de mes lectures, où j'ai essayé d'avoir des réponses et où il y a quelques éléments qui font réfléchir. Puis on aura le pitch de la semaine prochaine, on aura une quote, un quiz du mois. Je crois qu'on n'a pas spécialement de plug cette semaine, mais peut-être qu'ils arriveront d'ici là. Et puis, bah, sinon, c'est tout. Ok, bon, du coup, on est parti sur la deuxième partie du dossier. On t'écoute. Alors, vas-y, c'est parti. Bon. Donc, lors de l'épisode précédent, on avait vu que l'apprentissage vit une nouvelle révolution, en particulier avec le deep learning, qui réussit à résoudre des problèmes toujours plus complexes et qui l'amène presque à rêver. C'était un peu la base de pourquoi on a fait un épisode la semaine dernière. Et ça suffit même à provoquer la frayeur de pas mal de personnes quant à une intelligence artificielle qui arrive à grands pas. Voilà, du coup, avec cette croyance d'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, c'est même une des bases d'un courant qu'on appelle le transhumanisme. On a déjà parlé un tout petit peu avec David il y a un bon moment maintenant. Alors je vous rassure, je ne vais pas du tout en parler ici, parce que pour cet épisode, en fait, ça m'intéressait ce sujet-là. Le deep learning, c'était une façon très très concrète d'approcher les choses, parce que j'ai présenté vraiment comment ça fonctionnait. Pour cet épisode, j'ai décidé un peu de naviguer de source en source pour essayer de trouver des agréments concrets quant aux limites entre sur les machines ou les limites des humains ou humains-machines, enfin des différences. Et pour une fois, j'ai essayé d'écouter des personnes qui sont un peu hors du monde du machine learning, de la technologie, de la Silicon Valley, qu'on entend un peu tout le temps sur ces sujets-là, et en particulier tout ce courant transhumanisme. Essayer d'avoir des arguments que moi je considère un peu plus concrets. Vous allez voir qu'au final, c'est pas si concret que là, c'est un peu un voyage, mais moi ça m'a fait réfléchir, donc c'est l'occasion de partager, et je trouve que ça complémente très bien l'épisode de la semaine dernière, parce que dans Podcast Science, on a des sujets bien concrets, bien durs, où c'est des choses bien carrées, et puis des fois, on a des trucs qui sont un peu plus ouverts et qui font un peu plus réfléchir. Donc, bah, je vous propose de voyager avec moi au sein de ces différentes voix qui ont des choses à dire, et ça va être l'occasion de réfléchir, d'apprendre, et sans avoir forcément une réponse claire, mais c'est un peu ça aussi Podcast Science, et on sera ravis d'avoir tous vos commentaires sur le sujet. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Pour commencer, en fait, ça, avec mon passif de matheux et les nombreuses heures que je vous ai imposées sur le sujet, les premières limitations qui me sont venues en tête et sur lesquelles j'ai commencé à chercher des choses sont bien sûr les limites théoriques. C'est-à-dire que les cerveaux, entre grands guillemets, des machines sont faits à peu près de la même chose et depuis le début de mathématiques et d'algorithmiques. Or, vous devez le savoir maintenant, si vous avez écouté plusieurs de nos podcasts, il y a plein de choses qui sont complètement inaccessibles aux mathématiques et aux algorithmes. Alors, on peut commencer par les infinis de Cantor. Les infinis de Cantor, tous plus grands les uns que les autres, dont j'avais parlé dans mon premier dossier dans Podcast Science, qui vous permettent de découvrir des nombres qui ne seront pas calculables par aucun algorithme. On peut aussi parler, donc Robin en avait parlé, du théorème de Gödel, qui présente des propositions indécidables. Et en fait, ça permet aussi d'arriver sur... plus ou moins directement sur un problème qu'on appelle le problème de l'arrêt, qui fait qu'on découvre que certains algorithmes même sont indécidables, qui ne donnent pas de réponse, qui ne s'arrêtent pas, enfin, où on voit bien qu'il y a des limites. En fait, la plupart de ces résultats font appel à des concepts autoréférents dont on a parlé plusieurs fois, mais comme c'est à chaque fois une joie de casser les cerveaux de tout le monde en parlant, je vais quand même en parler un tout petit peu parce que ça m'amuse, très rapidement parce qu'on a déjà parlé plein de fois. Une phrase autoréférente, c'est assez simple, l'exemple le plus simple à mes yeux, c'est « cette phrase est un mensonge ». Donc si cette phrase est vraie, c'est un mensonge, donc ça colle pas. Si cette phrase est un mensonge, alors elle est vraie, alors elle est contradictoire, enfin bref, ça va pas. Dès qu'on y réfléchit un peu longtemps, on a la tête qui fume. En fait, vous pouvez en découvrir plein d'autres qui sont basés un peu sur la même chose, et donc les théorèmes dont j'ai parlé avant, ils sont souvent basés sur ces logiques-là. Dans un des livres dont je me suis servi dans ce dossier, donc que j'ai mis dans les notes, que je mettrai dans les notes du dossier, il y a plein d'autres choses amusantes et douloureuses par la règle. Dans celles que j'ai retenues qui sont amusantes, vous avez la première règle du groupe, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors ça, c'est un peu même plus amusant, on en reparlera tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui choque un peu moins que cette phrase est un mensonge. Il faut vraiment y réfléchir pour que ça commence à choquer. Ou alors, pour faire plaisir à LJJ qui chaque semaine nous donne une propriété d'un nombre, on peut parler des nombres inintéressants. Ce sont des nombres qui n'ont aucune propriété intéressante. Et alors réfléchir à quel est le plus petit des nombres inintéressants, qui du coup se met à avoir une propriété intéressante, à savoir être le plus petit des nombres inintéressants. Bref, on tourne en rond, on se casse la tête, et avec ce genre de concept, on a pu prouver que certains algorithmes ne seraient jamais possibles et qu'il y a tout plein de choses qui, théoriquement, sont impossibles. Donc déjà, sur le papier, quand on dit théoriquement, ça veut dire que même s'ils deviennent le plus puissant possible, ils ne pourront pas faire ces choses-là. Alors en fait, même sans aller là, on en avait aussi parlé sur l'épisode sur les algorithmes, c'est pour ça que j'évacue un peu rapidement ces sujets. Les algorithmes sont même moins bon que ça, c'est-à-dire que les machines, il y a certains algorithmes qui prennent tellement de temps que même avec l'âge de l'univers et des ordinateurs de quantique, ils s'arrêteraient jamais, on n'aurait pas le temps de les finir. Donc finalement, on tombe très vite sur des limitations de ces machines qui sont assez impressionnantes, où on se rend compte qu'elles peuvent pas tout faire. Alors pour autant, cette piste-là, elle convainc pas énormément sur la limite homme-machine, parce qu'on a trouvé des limites pour la machine, mais on n'est pas vraiment sûr que les humains sont capables de faire tout cela. On est même plutôt convaincu du contraire, à savoir qu'aujourd'hui, on sait que les ordinateurs sont capables de faire des choses qu'aucun humain n'a jamais su et ne saura jamais faire. Par exemple, compter toutes les occurrences d'un mot dans tous les bouquins sortis depuis 1800. C'est ce que fait le projet Google Ngram Viewer, que vous avez directement en accès sur Internet, où vous pouvez compter le nombre d'occurrences d'un mot dans des bouquins, ou calculer plusieurs milliers de milliards de décimales de pi. On sait que l'humain, il s'est arrêté à beaucoup, beaucoup moins que ça. Il s'est arrêté à combien, Robin, calculé à la main? En fait, le dernier record à la main, c'est 707, mais sauf qu'il s'était planté à partir de la 158e. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup, et on se rend compte que les milliers de milliards qu'on connaît aujourd'hui... Personne lui a dit. Si, si, ben on l'a découvert justement, l'histoire. On s'en rend compte avec le premier calcul par ordinateur, mais c'était 100 ans après. Ah, ok, d'accord. Et c'est, historiquement, c'était les premières décimales qui étaient mises au Palais de la Découverte et qui ont été corrigées ensuite, quoi. C'est ça, exactement. En fait, le record, ça date des années 1870 et quelques, William Shanks, qu'on calcule donc 707. Et le Palais de la Découverte est ouvert en 1937 et personne n'avait battu ce record et personne même ne l'avait vérifié, parce qu'il faut reconnaître qu'il faut être très maso pour passer je sais pas combien de temps à faire un calcul, que si tu tombes sur la même chose, bah tout le monde s'en fout, ça veut juste dire que l'autre a eu bon et que c'est de l'autre qu'on va se souvenir, et que si tu tombes pas sur la même chose, il y a une chance sur deux pour que ce soit toi qui sois planté. Donc personne n'a vérifié avant qu'on ait les premiers ordinateurs. Donc là, pour le coup, c'était une machine qui faisait la vérification, c'est moins grave, quoi. Voilà, bon, en tout cas, c'est des choses. Donc là, on se rend bien compte que la différence de capacité entre un humain et une machine, là, sont énormes dans ce cas-là. Il y a, par exemple, aussi des choses toutes bêtes qu'on fait tous les jours. J'ai essayé de prendre des exemples les plus basiques, mais qui, en fait, sont impossibles à faire pour un humain. C'est de nous donner l'itinéraire le plus court entre n'importe quel point de France en quelques secondes. Donc, c'est marrant parce qu'on a plein d'exemples comme ça où l'ordinateur est largement supérieur à nous, mais pourtant, on est un peu blasé. Toutes ces prouesses nous impressionnent pas. Si la machine veut la qualification d'intelligente, bah, il va falloir qu'elle puisse faire plus. Alors là, on arrive au fil des lectures sur tout ce que je vais appeler un peu la catégorie des tests de Turing et assimilés. C'est-à-dire que devant ces critiques d'humains présomptueux expliquant que ces prouesses hors du domaine de l'humain ne justifient pas l'intelligence, certains chercheurs ont essayé de définir des tests précis qui permettrait de conclure à l'intelligence. Alors le plus célèbre de ces tests, vous le connaissez, c'est le test de Turing. C'est un fameux test qui dit en gros que si on arrive à faire croire à un humain qu'il discute à un autre humain alors qu'il est en train de discuter avec une machine, on pourra considérer que cette machine est intelligente. Et bien du coup, les machines ont passé le test de Turing. Et on a plein d'exemples, on en a à peu près tous les ans de nouvelles machines qui passent le test de Turing. Alors à chaque fois, comme c'est un test extrêmement célèbre, c'est énormément discuté, on chipote, on dit non mais il se faisait passer pour un gamin, non mais etc. Ce qui est à peu près sûr, c'est que si on considère qu'aujourd'hui il n'est pas passé, ça va pas tarder à passer. Mais on se rend aussi compte que ça suffit pas, que même celles qui arrivent à passer le test de Turing, on se dit C'est un peu limité. Et puis surtout, elles savent que parler. Est-ce que c'est vraiment ça, être intelligent? Alors du coup, des tests de ce genre cessent pas de fleurir. On a demandé aux machines d'être capables de battre les humains aux échecs. Alors les machines, elles ont battu les humains aux échecs. On a demandé aux machines de décrire des images. C'est ce qu'on parlait la semaine dernière. Alors les machines sont mises à décrire des images. On a demandé aux machines de savoir cuisiner de manière inventive. Alors les machines ont cuisiné de manière inventive. Ça, c'est Watson à qui on a appris à mélanger les ingrédients. Et il a proposé des mélanges d'ingrédients qui n'avaient jamais été imaginés et qui donnaient des choses assez intéressantes. Et là, on est en train de lui apprendre à pratiquer des méthodes de cuisine. Donc en fait, ce qui... On a aussi des ordi qui nous créent des symphonies à la façon de Mozart ou ce genre de choses, non ? En gros, je ne sais pas si vous commencez à voir le schéma là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à une machine de faire une chose bien précise, tôt ou tard, les humains arrivent à en concevoir une qui y arrive. Et pourtant, à chaque fois, à la vue du résultat, on est peu convaincu par son intelligence. C'est-à-dire que les machines qui nous battent aux échecs, on a du mal à les qualifier d'intelligentes. Même celles qui arrivent à faire de la cuisine, on n'est pas convaincu. Et en fait, là-dessus, là, on commence à toucher des choses assez intéressantes. Si vous vous posez la question, mais pourquoi une machine qui arrive à cuisiner mieux que moi, je ne la considère pas comme intelligente ? On se rend compte déjà que les machines, elles ne fonctionnent pas vraiment comme nous. Elles sont des sortes d'extraterrestres. Chez elles, ce qui prime, c'est la mémoire et la capacité de calcul. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous battre aux échecs, elles n'ont pas cherché à inventer, elles n'ont pas cherché à raisonner, elles n'ont pas cherché à faire ce que nous, on fait quand on apprend les échecs, à comprendre les règles, à comprendre les stratégies. Elles ont appris par cœur des milliers de parties et leur issue. Et elles prenaient le temps à chaque coup, grâce à leur puissance de calcul, de calculer plein de combinaisons possibles pour calculer la meilleure sur laquelle travailler. Ça, c'est Deep Blue, qu'on connaît pour d'autres choses maintenant, qui était à l'époque un ordinateur pour faire des échecs et qui nous a battus aux échecs comme ça, en utilisant son énorme mémoire et sa capacité de calcul très rapide. Donc ça, c'est un premier élément que j'ai trouvé assez intéressant en lisant tout ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas envie de les appeler intelligentes, en particulier, et on y reviendra à la fin, parce que elles ont une manière de fonctionner qui est tellement différente de nous, c'est comme si on essayait de qualifier d'intelligence des extraterrestres. Elles s'y prennent tellement différemment que nous qu'on est un peu en train d'avoir une limite floue entre dire une machine est intelligente et une machine est un humain. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est pas vraiment la seule raison. Si on prend même des tests qui sont faits sur des humains, il y a peu de gens qui sont fans du test de QI pour mesurer l'intelligence, par exemple. On a fait un test, on a essayé, et c'est des gens qui ont essayé de faire ça de manière plutôt saine, plutôt ils ont essayé de faire quelque chose de sérieux, mais on se rend compte que c'est pas parfait le test de QI. Si on prend des gens qui ont un très bon QI, un très mauvais, ça suffit pas à tout qualifier au niveau intelligence humaine. On avait fait, j'y pense parce que là j'ai relu récemment l'interview de Franck Ramu qu'on avait fait, et il définit ça assez bien quand même. C'est mieux défini que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait il s'est aperçu que ce test de QI, ça permettait de relever... En fait, on s'apercevait que si on faisait plein de tests, il y avait des gens qui allaient être bons à tous les tests. Et en fait, ils ont essayé de réduire le nombre de questions pour isoler les gens qui seront bons à beaucoup, beaucoup de tests, en fait. Et c'est ça que détermine le QI. C'est-à-dire que non seulement tu vas être bon à ce test-là, mais tu sais aussi que ça, tu vas être bon à beaucoup, beaucoup de tests si t'as un bon QI. Je vous conseille de réécouter ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est une question, comment définir l'intelligence, que je pense qu'on va lui poser beaucoup. Il y a aussi un épisode de Scepticisme scientifique qui est excellent avec Nicolas Gauvry sur comment définir l'intelligence, qui est hyper intéressant. Et non, mais c'est des questions qui sont pas simples, mais c'est plus pour dire qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre des tests très précis, on se rend compte qu'il manque quelque chose, quoi. Et en fait, même en allant un peu plus... Ouais. Du coup, il y avait une question de JPIF, mais je pense qu'on y... de Mr. Nose et de JPIF, je pense qu'on y a plus ou moins répondu. C'est avant de parler d'intelligence de la machine, est-ce que l'on sait définir à quoi elle correspond chez les humains? Et je pense que c'est ça que tu vas aborder juste maintenant. Non, je vais pas l'aborder en détail justement, parce que moi j'ai vraiment essayé de me poser la question entre homme et machine, et je suis pas parti là-dedans parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on essaie de parler d'intelligence artificielle et d'intelligence des machines, sans justement pas par ce biais-là du tout, étonnamment. C'est-à-dire que j'ai pas connaissance de projets qui cherchent à optimiser les réponses à un test de QI des machines, et ce serait assez stupide, parce que tout comme l'humain peut s'adapter au test de QI et avoir un meilleur score, je pense qu'on peut très facilement faire des machines qui ont des excellents scores au test de QI, ce serait pas adapté, quoi. Donc je vais pas en détailler trop, parce que ça me paraît un peu hors sujet là-dessus, quoi. Et de toute façon, il y a plein d'autres éléments, vous allez voir. C'est-à-dire que enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, sur le fait que c'est un peu hors sujet, je pense, le côté comment définir l'intelligence humaine. Mais c'est vrai que l'argument que tu viens de dire, qu'effectivement on pourrait trouver une machine qui répond très bien aux tests de QI, j'y ai jamais pensé, mais effectivement ça doit pas être très compliqué, je pense, effectivement. Il y a ça, et puis en fait tu te rends compte de plus en plus, enfin moi dans tout ce que j'ai lu, tu te rends compte que ce que les gens mettent derrière une machine intelligente, c'est une machine qui ressemble à un humain. Et tu le vois aussi dans beaucoup dans l'intelligence artificielle au cinéma. Quand tu regardes les films récents comme Chappie, comme Her, en fait, je sais comme pas si la machine... Ex Machina. Comme Ex Machina, plus qu'intelligente, la machine ressemblait à un humain en fait. Et dans Chappie, c'est le plus marquant, c'est qu'elle y ressemblait, je sais pas si vous avez vu Chappie, où c'est oui, un robot qui grandit. T'as pas aimé? Ah, pas du tout. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est assez amusant dans Chappie, c'est que le robot se comporte comme un humain, mais visuellement il ressemble pas du tout à un humain. Bon bref, on va pas s'étaler, c'est du cinéma. J'ai beaucoup aimé Her et Ex Machina, j'ai pas du tout aimé Chappie. Et je vous conseille moi les trois films, hein, si vous avez Chappie, j'adore le réalisateur, c'est pour ça que je suis complètement biaisé. Bref, il y a aussi d'autres éléments en fait. Le truc, c'est que l'humain en fait, il résonne rarement en test exact. Si vous réfléchissez un peu à la manière dont vous parlez, dont vous vous exprimez, vous verrez qu'on passe notre temps à parler de manière floue. On va dire mon voisin est un grand chauve. Alors, de quel voisin on parle? Grand, c'est à partir de quelle taille exactement? C'est à partir de 1m53 ou plutôt 1m54? Chauve, c'est à partir de combien de cheveux? C'est à partir de 3 ou 4 cheveux qu'on considère que c'est chauve, quoi. Et ça, c'est assez amusant parce que c'est vraiment dans le langage commun. Et réfléchissez demain, quand vous parlerez à des gens, vous vous rendrez compte qu'on passe notre temps à être extrêmement flou. Sauf que les machines ne sont pas extrêmement floues. Elles sont basées sur une logique hyper rigoureuse et avec des chiffres où on a besoin de dire ils sont plus grands ou plus petits. Je sais pas si ça c'est quelque chose aussi qui vous avez pas marqué, moi c'est quelque chose où quand il dit ça paraît évident, mais en fait on réalise pas à quel point on est flou dans la manière dont on parle. Ça c'est plus une histoire de contexte. Et si le robot avait aussi, enfin si la machine avait aussi le contexte, finalement elle pourrait se permettre d'être vague aussi, non? Non, parce que en fait la machine. Si la personne elle savait qui était ton voisin, dans ce cas-là, elle pourrait. Non, parce que c'est vraiment intrinsèquement flou la manière dont on discute, quoi. Quand tu réfléchis, mon voisin c'est le mauvais exemple. Par contre, est grand. Le fait de dire qu'il est grand ou qu'il est chauve, c'est des trucs qu'on utilise régulièrement. Et on n'est jamais à se poser la question, est-ce qu'on a compté le nombre de cheveux pour pouvoir dire qu'il est chauve? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, on je est dans ce des que tu notions veux dire, oui. Qui sont... Ouais. En fait, c'est pas grand, pertinent. Il est grand, il n'est pas c'est, grand par si rapport un robot à l'espèce me dit, humaine, si un... il est grand par rapport aux, vaguement aux gens que tu connais. Ouais, et puis si un robot me dit, t'as dit chauve, mais ça veut dire combien de cheveux? Tu le regardes bizarrement, quoi. C'est pas du tout comme ça que tu réfléchis. Il est chauve, oui. Quoi. Tu vois, je m'en fous qu'il ait des cheveux sur le crâne, il est chauve. Et c'est marrant parce que c'est intrinsèquement comme ça qu'on communique en fait. Et pourtant, les machines vont pas parler comme ça. L'arithmétique, la logique, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Alors quand je dis que c'est pas comme ça qu'elle fonctionne, en fait, ce flou, ça c'est une découverte que j'ai faite assez amusante. Bon, je vais pas m'étaler dessus parce que ça intéresse que les mathématiciens, mais le flou est pas insurmontable. En fait, dans mes pérégrinations, j'ai découvert la logique floue, dont j'avais jamais entendu parler avant, qui est une branche mathématique qui justement pose ses bases comme base de cette logique sur des concepts flous. Donc de dire, on va définir ce que ça veut dire être grand et on va s'accorder le fait que c'est flou. C'est-à-dire que c'est grosso modo totalement vrai à 2 mètres, totalement faux à 1 mètre, et entre-temps, c'est un peu vrai, un peu faux, quoi. Et tout ça pour construire une logique floue, des théorèmes flous, et même un système de décision flou. Par exemple, il faut imaginer si on était complètement dans un monde d'une logique floue, rencontrer à l'école des problèmes dans les manuels du genre « Sachant qu'un individu de plus de 18 ans a le droit de voter, si on sait que Pierre a environ 18 ans, a-t-il le droit de voter ?» Et la bonne réponse serait, c'est tout à fait possible, mais c'est pas certain. Moi, j'aime bien ça, ça m'irait bien, en fait. Mais c'est marrant, en fait, parce que moi aussi, t'as cette sensation de te dire, ah, c'est bien, ils ont mis en chiffres des trucs qui sont naturels chez nous, de dire grand, petit. Tu vois, ils parlent, par exemple, à un moment d'une échelle, de dire, il y a minuscule, petit, moyen, grand et immense. Mais c'est flou tout ça, il n'y a pas de limite claire, quoi. C'est pas les trucs aussi où tu peux atteindre l'infini à un moment Genre, tu peux dire que tu comptes, mais genre dire que les chiffres vont jusqu'à l'infini n'a pas de sens pour un humain parce que tu ne pourras jamais compter. Ouais, donc tu dis qu'il y a un infini qui est... Au bout d'un moment, tu arrives à loin, quoi. Je pense que ça peut rentrer dedans. Je ne l'ai pas vu là dans ce que j'ai. En fait, j'ai trouvé très très peu de sources sur la logique floue. Je vous conseille un que sais-je dessus qui est très complet mais qui est un peu technique. Mais sans doute, ouais, que ça peut rentrer dedans. Bon, en tout cas, ce qu'on voit sur le flou, c'est que ça ne suffit pas encore pour définir la différence entre machine et humain parce qu'on a réussi à mettre des théories du flou et on a même réussi à faire des systèmes de décision basés sur le flou. Donc du coup, à partir du moment où on a des systèmes de décision basés dessus, on pourrait faire des machines qui sont complètement floues et on voit que c'est pas vraiment ça qui fait une limite. Par contre, c'est une logique normande, hein, telle que tu le présentes. C'est-à-dire. Je voulais dire, c'est impossible. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mais c'est délirant. Allez lire le que sais-je si vous avez envie d'en savoir plus et que vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi, vous allez voir que c'est des vrais maths. Mais des vrais maths où la conclusion, c'est de la conclusion de Normand. Où on se dit, c'est tout à fait possible, mais pas certain, parce qu'on définit tout à fait possible et certain, quoi. Bref. Non, mais c'est hyper amusant. Alors après, comme je disais, j'ai l'impression que c'est beaucoup de la... Enfin, vu le nombre de sources, je pense que c'est de la branlette de matheux sans application aujourd'hui. Robin, t'as peut-être autre chose... Je connais pas du tout. D'accord. Et pour vous dire à quel point c'est pas très répandu, LGJ, on n'a pas fait d'article de blog. Mmh. Ah, effectivement, c'est tout. Mais je me demandais, c'est pas simplement la différence entre le qualitatif et le quantitatif, la façon dont beaucoup de gens fonctionnent à la perception. Il y a une notion de lien entre quantitatif et qualitatif, mais l'intérêt sur la logique floue, c'est qu'ils ont essayé d'y mettre une théorie, d'y mettre des chiffres, et du coup, d'y mettre une possibilité de faire un algorithme basé sur le flou. Donc c'est ça qui est un peu différent à juste dire c'est du qualitatif et du quantitatif, quoi. Voilà, bon. Toujours est-il que du coup le flou, c'était pas une bonne piste parce que bah, on se rend compte qu'on est capable de faire des théories floues et ça pose pas de problème, enfin à part que c'est un peu chelou, ça pose pas vraiment de problème pour aller construire des ordinateurs flous ou des choses comme ça. Donc ça va pas être suffisant pour aller faire une différence entre hommes et machines. Par contre, il y a une chose qu'aujourd'hui on vit beaucoup mieux que les machines, et j'en ai un peu parlé sur les paradoxes, c'est les contradictions. Par exemple, un exemple que j'ai adoré dans un des livres que j'ai mis dans le dossier, il a dû vous arriver à un moment ou à un autre de votre vie que votre professeur à l'école vous dise « la semaine prochaine, vous aurez un test surprise ». Ça vous est arrivé ? Ça perturbe personne ? Ça m'est déjà arrivé. Et ça t'a pas perturbé outre mesure ? Ouais, même quand j'étais à un moment de mon... Oui, j'avais même un test surprise tous les lundis. Voilà, alors si vous êtes des machines extrêmement rationnelles, vous allez vous dire « ok, j'ai un test surprise la semaine prochaine. Le dernier jour de la semaine prochaine, c'est vendredi. Si le test n'est pas arrivé avant vendredi, il n'y a plus d'autre option. Donc, si c'est vendredi, c'est plus un test surprise, donc ça ne peut pas être vendredi. » Par le même raisonnement, ça ne peut pas être jeudi, ça ne peut pas être mercredi, ça ne peut pas être mardi, donc ça ne peut pas être lundi, donc il ne peut pas y avoir de test surprise. Du coup, si vous êtes une machine et que votre professeur vous dit « il y aura un test surprise la semaine prochaine », a priori, vous répondez « non, c'est pas possible ». Ça, c'est le côté, en fait, des contradictions, on s'en fout, on n'est pas sur de la précision comme ça, et ça nous agace en général quand on va aller mettre de la précision à outrance sur des termes, sur des règles, etc. On communique en contradiction. Je sais pas si ça vous parle l'exemple du paradoxe du test ou si je le refais. J'ai pas compris pourquoi ça. Je comprends, bah, si t'es arrivé jeudi soir et que tu dis bah dans ce que c'est vendredi et que donc du coup la machine on déduit que ça sera plus le lendemain. Alors ça peut pas être parce en fait on déduit que c'est vendredi. Et si c'est vendredi, si le jeudi soir tu découvres que ça va être le vendredi, c'est que c'est plus un test surprise. Donc tu oui, peux s'il pas faire... est pas arrivé avant le jeudi soir, voilà. Il est plus surprise que c'est forcément donc vendredi. Donc tu ne peux pas faire un test surprise le vendredi. Si tu sais pas qui. Non, bah, si tu pas. Fais un test surprise le vendredi, il n'est pas surprise parce que le jeudi soir, tu auras découvert qu'il est le vendredi. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, oui, d'accord. Il y a un moment de la semaine où tu vas arriver où il sera et donc, plus surprise. Si ton test, il ne peut pas être surprise le vendredi, par le même raisonnement, tu peux montrer qu'il ne peut pas être surprise le jeudi. Parce que tu élimines le vendredi, du coup, jeudi redevient le dernier jour. Et ainsi de suite, tu élimines toute la semaine, en fait. D'accord. Et t'en conclus qu'il ne peut pas y avoir de test surprise, en fait. D'accord. En fait, c'est tout ça pour dire que si on est trop rationnel, etc., en fait, non, ça marche pas. On fonctionne par contradiction. On va pas aller préciser, oui, il y a un test surprise dans la semaine, mais machin, etc. Non, on fonctionne par contradiction et c'est pas un problème. Et même si on se définit, surtout entre nous, là, entre amateurs de science, comme des animaux rationnels, on est en fait hyper irrationnel. Et un peu comme les concepts flous, réfléchissez un peu dans votre vie de tous les jours et demain, là, en discutant avec des gens, à toutes les contradictions que vous pourrez trouver. Vous voulez être maigre, mais vous mangez des bonbons. Tout le monde a déjà réussi à détester une personne qu'elle adore en même temps. Dans des couples, c'est assez commun de se détester, de s'adorer au même moment. Vous croyez probablement en l'égalité et la liberté. Ça veut dire que vous retirez à quelqu'un la liberté d'être inégal de quelqu'un d'autre. C'est des raisonnements philosophiques, mais ce qui est intéressant, et c'est l'histoire aussi de la philosophie, c'est que ça ne nous pose pas de problème de fonctionner en fonctionnement irrationnel et en dissonance cognitive. C'est même la façon dont on fonctionne. On est rempli de contradictions et en fait, ce qui est pire, on va en parler tout de suite, c'est que ces contradictions, c'est ce qui nous construit et qui continue en fait à nous faire vivre aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie découverte sur plein de bouquins. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de voir, de se dire que non seulement on est contradictoire, mais en plus, ces contradictions, c'est ce qui nous construit. Ça vous parle ou pas ? Ou je suis parti dans la métaphysique? Moi, j'ose pas parler, mais oui, ça me parle et je suis bien d'accord, entièrement, oui. Robin, ça fait penser, enfin ça me fait forcément penser à t'as un mouvement à un moment dans l'histoire que le positivisme logique, qui le positivisme logique justement, il voulait exclure toute ambiguïté du langage en fait. Et je sais pas si vous connaissez tout ça, mais en fait leur idée c'était dans l'entre-deux-guerres, hein, donc ils avaient des raisons de se soucier de l'incompréhension entre les gens. Et donc en fait eux, voilà leur thèse de base, c'était ça, c'était que s'il y avait des guerres, s'il y avait des incompréhensions, c'était juste parce que le langage est tellement imprécis que quand on se parle, on se comprend pas. Enfin, on croit se comprendre, mais on se comprend pas. Et donc, du coup, c'était devenu des intégristes de la logique, quoi. C'est-à-dire que hors de la science, fallait pas parler. Donc, la poésie, c'était pourri. La philosophie, un peu autre que parfaitement rigoureuse, c'était de la merde, etc. Fallait exclure tout ça parce que c'était ça qui provoquait les incompréhensions, donc les guerres. Et donc, eux se limitaient à la logique et aux mathématiques, quoi. C'est de l'extrémisme de rejet de ça, et on voit tout de suite les limites. Enfin, ça fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, aujourd'hui, toute la logique et tout ce qui est mathématique, par exemple, c'est basé sur le fait qu'on refuse contre tous les contradictions, quoi. Pardon, je réponds tout de suite parce que c'est une question éminente. Positivisme à la Auguste Comte. En fait, Auguste Comte, ouais, c'est le positivisme. C'est donc dire que la science, vraiment, c'est essentiel, tout ça, machin. Et le positivisme logique, c'est vraiment des extrémistes qui se sont inspirés d'eux. Mais c'est une dérive extrême, quoi. Donc, ouais, en tout cas, à s'arriver à ce moment-là sur les contradictions, j'ai senti que j'avais rencontré un joli argument de différenciation entre l'humain et la machine, parce que clairement, les machines sont conçues pour ne pas avoir de contradictions. Et là, on arrive sur quelque chose qui est finalement très joli et un peu inattendu, en tout cas pour moi. Et c'est en premier Stéphane Wolfram qui a créé un logiciel qui s'appelle Mathematica et qui est quelqu'un qui est assez connu dans la sphère mathématique et puis aussi... enfin, pas que mathématique, en fait. J'utilise beaucoup Mathematica selon moi, pas pour l'usage qu'on est censé en faire. Du coup, je râle beaucoup contre Mathematica. Ben justement, si tu connais Mathematica, t'en parleras peut-être mieux que moi, parce que c'est pas vraiment qu'il est connu en tant que mathématicien. Il est plutôt connu, justement, pour avoir conçu Mathematica et maintenant un moteur de recherche que vous pouvez utiliser qui est Wolfram Alpha et qui permet de poser des questions et de croiser des bases de données immenses, etc. Bah, l'avantage du truc, c'est que c'est un... Oui, juste pour rapidement définir Mathematica, parce que c'est vrai que c'est pas un langage qui est forcément trop connu des gens qui font du code. C'est un langage qui est assez... comment est-ce qu'on dit assez... beaucoup d'abstraction, en fait. C'est-à-dire qu'un peu comme Maple, c'est un truc qui va vous permettre de faire... qui va vous donner, par exemple, la solution exacte d'une équation, pas 1,1345, mais qui va vous donner, par exemple, un truc racine de 2 plus 1 divisé par 5, ce qui peut paraître simple, mais qui, en fait, est assez, assez difficile, dans le cas général, à faire, un truc qui est capable de vous donner des solutions analytiques de, si c'est possible, de la trouver. Et du coup, pour ça, c'est un très bon langage. Voilà. Mais du coup, après, c'est vrai que c'est pas les mêmes... Il y a deux trucs assez différents, finalement, de la boucle for et un truc qui est très compliqué à utiliser, par exemple, en mathématiques, pour ceux qui... Et donc, ce Wolfram a fait un article hyper intéressant que je vous mettrai dans les notes du dossier. Il s'est fait interviewer sur l'intelligence artificielle. Et c'est un interview hyper intéressant, en particulier parce que lui, il n'est pas très inquiété. Parce que, bon, grosso modo, son message, c'est que les machines restent très connes. Et en particulier, il déclare en disant que les machines arrivent à faire des trucs super, mais c'est nous qui fixons les objectifs. Et ça reste nous qui fixons les objectifs, pas les machines. Les machines ne se fixent pas des objectifs. Et ça, c'est quelque chose tout bête, mais en effet, si vous réfléchissez à tout ce que vous avez pu voir sur l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte que c'est l'humain qui a fixé les objectifs. Et même quand elles sont un peu plus ouvertes sur les objectifs, quand elles créent de l'art, quand elles se déplacent, vous vous rendez compte qu'au final, parmi les possibles de ce qu'elles peuvent faire, c'est l'humain qui a fixé l'objectif. Et c'est un peu ce que je disais la semaine dernière, on n'a pas encore vu une machine qui a fait sa crise d'adolescence et qui est partie faire le tour du monde avec son petit ami, quoi. Sur un coup de tête. Ça paraît très con, mais c'est pas anodin comme différence, quoi. Dans Chappie, il y a un peu de ça. Dans Chappie, il y a un peu de ça, mais c'est un film. Non, je suis d'accord, mais... Et donc, du coup, arrivé là-dessus, je me suis mis à lire deux livres. Ah oui, parce que, petite précision, j'ai jamais lu autant de bouquins sur ce dossier, donc si ça vous plaît pas et que vous avez l'impression que je pars un peu n'importe où, dites-vous au moins que j'ai travaillé. et qui avait a priori rien à voir, et là, c'est quelque chose qui peut arriver rarement en lecture, mais qui arrive parfois... Ce qui était très beau, c'est qu'ils racontaient la même chose, alors qu'ils n'avaient rien à voir sur le principe, sur leur titre. Ils racontaient la même chose, à savoir l'importance des histoires pour l'homme. Alors le premier de ces bouquins, c'est, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est Sapiens, A Brief History of Humankind. Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui est un livre qui raconte tout simplement l'histoire de l'humanité. Et pour l'anecdote, l'auteur s'est dit inspiré de Jared Diamond, dont on avait déjà parlé, c'est quelqu'un qui a écrit sur l'inégalité des sociétés, on vous en avait déjà parlé ici dans un épisode où c'était Laure qui était venue nous parler en fait des différences entre les civilisations et d'un peu historiquement comment on pouvait justifier ça. Bref, l'histoire de l'humanité telle que la raconte, donc c'est Yuval Noah Harari, je ne sais pas comment ça se prononce, ben c'est un peu l'histoire des légendes et des mythes qu'on se raconte. Et c'est assez impressionnant de le voir raconté comme ça, mais c'est très parlant. Alors, un peu comme le bouquin de Jared Diamond, le seul un peu limitation que j'aurais, c'est de vous dire que je pense que c'est une théorie, que c'est pas la vérité, mais vu dans ce biais-là, un peu comme dans le biais de Jared Diamond, c'est très parlant et on a l'impression que ça colle bien. Donc après, je pense que ça reste une théorie. Il faut toujours se rappeler, c'est quelque chose qu'on répète pas assez, que n'importe qui peut écrire un bouquin. Il n'y a pas de communauté scientifique derrière. Alors, Harari, etc., a pas mal de sources dans son bouquin, mais bon, rappelez-vous que ce que je vais vous dire là, c'est ce qu'il raconte dans ce livre-là. Et en particulier, il raconte dans le bouquin, c'est le tout début, que tout commence avec la révolution cognitive. C'est le moment où notre cerveau a subi une transformation, sans la préciser, hein, c'est pas un bouquin de bio, qui a justement permis de se raconter des histoires. Et alors qu'on pourrait se dire que c'est tout anodin, en fait, c'est pas du tout anodin. Si vous regardez un groupe d'une centaine de... En fait, si vous regardez un singe et un humain, un seul, il n'y a pas énormément de différence dans les comportements. Bon, bien sûr, si vous lui donnez de la technologie, l'humain va se comporter différemment, mais si vous le laissez tout seul, on se rend compte que finalement, on n'est pas très très loin. Par contre, si vous mettez une centaine, un millier de singes ensemble ou une centaine, un millier d'humains ensemble, leur comportement est extrêmement différent. En particulier... Parce que bah nous, on a des histoires, on a des mythes qui nous permettent de coopérer dans des groupes énormes. Et alors ça, c'est l'autre truc où je vais encore vous dire, regardez autour de vous, parce que moi, c'est ce que j'ai fait du coup en lisant ce bouquin. Si vous réfléchissez à votre vie, à demain, en fait, vous vous rendrez compte qu'autour de vous, il y a beaucoup plus de mythes et de légendes que de choses concrètes. Par exemple, qu'est-ce qu'une ville ? Qu'est-ce qu'une loi ? Qu'est-ce qu'une entreprise ? Tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est des histoires, c'est des légendes que les humains se sont racontées et sur lesquelles on s'est accordé. On s'est dit d'accord, on va appeler ça une entreprise. On va considérer que, je ne voulais pas citer d'entreprise, on va dire que Danone, c'est ça, c'est ce concept-là, on accepte tous ensemble. Et ça nous fait coopérer et se mettre d'accord à faire la même action ou à ne pas se taper dessus pour faire la même action. Et en voyant les choses comme ça et en se disant qu'en fait... Il y a beaucoup plus de choses non concrètes, on se rend compte à quel point les histoires sont une partie prenante de notre manière de fonctionner. Qu'on est très très peu porté par des choses concrètes en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah si, si, moi je trouve ça passionnant en fait. C'est vrai que ça tourne un peu, on arrive un peu... ça tombe beaucoup autour de la psychologie et puis du mental, etc., de l'humain, mais c'est vrai que c'est passionnant, oui. Et alors, ce qui est encore plus fort... C'est que cette capacité à raconter et croire aux histoires, c'est aussi cette capacité qui nous a permis de changer nos attitudes sans avoir besoin d'évoluer du point de vue biologique. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez amusant dans le livre et assez intéressant. Alors c'est dommage, on n'a pas Pierre ce soir, mais je suis sûr que Pierre réagira là-dessus ou autre. L'auteur a une formule qui résume cela et qui est extrêmement efficace. Il dit « La révolution cognitive, c'est le point de l'histoire... C'est le point où l'histoire a déclaré son indépendance vis-à-vis de la biologie, disant que, grosso modo, le fait de croire en des mythes, de croire en des idées, etc., ça nous a permis de changer beaucoup plus rapidement nos comportements que ce que nous permettait l'évolution. Et du coup, de s'adapter beaucoup plus vite. Et si on le regarde, en tout cas du point de vue évolution, c'est-à-dire du point de vue où on compte le nombre d'éléments d'une espèce, le développement des humains a eu une croissance qui est incroyable. Alors, je précise bien du point de vue évolution, parce que le point de vue évolution ne prend pas en compte ce qu'on a fait aux autres espèces, ne prend pas en compte le fait de savoir si les humains sont heureux, il prend en compte juste le nombre d'humains qui se développent. J'ai une question là, enfin c'est aussi une question que je me posais, qu'en fait Xuxigène a aussi posé dans le truc, je crois, qu'est-ce qui est. Alors j'ai du mal à dire qu'une ville n'est pas concrète. mais ce serait pas plutôt la faculté de décrire, créer ses propres concepts à la différence des machines qui calculent, regardent, évaluent des concepts que nous leur définissions. Oui, parce que moi aussi, j'avoue que je, pour moi, pour Danone, ou pour, tu vois, tu peux dire que tu es dans Paris ou tu es en dehors de Paris, il y a une limite physique. Alors, déjà, je suis employé de Danone ou je suis pas employé de Danone. En fait, le truc, quand je dis qu'il n'y a pas de conception physique, c'est que la limite physique, c'est une limite théorique que se sont posés des humains entre eux. Si demain, tous les humains du monde s'accordent pour dire que, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire une région qui fait chier, mais pour dire que la limite de Paris maintenant s'arrête au 13e, enfin que le 13e arrondissement fait plus de Paris, fait plus partie de Paris, et que tous les humains sont d'accord, c'est fini, le 13e arrondissement fait plus partie de Paris. Oui. D'accord. Si tout le monde s'accorde pour dire qu'une banane n'existe pas, ça ne va pas marcher. Non, mais tu vois, ce que tu vois la différence. D'accord, oui, je vois. Tu vois pourquoi je dis que c'est un mythe. C'est un concept abstrait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu te rends compte qu'on se met tous d'accord à dire que c'est une ville. Alors, sur une ville, c'est pas très intéressant, à part qu'il y a des lois, etc. Mais sur des pays, ça commence à être intéressant pour collaborer. Sur des entreprises, on se met d'accord sur le fait que cette entité-là, on appelle ça une entreprise, elle a des droits, elle a des devoirs, elle a machin. Et même, il y a des chefs. C'est ça. Et c'est ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est l'échelle. C'est ce que je vais y venir là-dessus, hein, mais... l'échelle est délirante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des entreprises qui arrivent à faire travailler ensemble, sans se taper dessus, des dizaines de milliers de personnes qui sont extrêmement étalées géographiquement. Et si tu y réfléchis, toute une partie des humains du monde ne sont pas en guerre et collaborent ensemble. C'est un nombre qui est délirant et qui est éclaté géographiquement. Et j'allais y venir tout de suite, donc je vais me répéter ensuite, mais ils se sont mis d'accord sur une croyance qui est la monnaie. Et la monnaie, on en a parlé à l'époque du Bitcoin, c'est uniquement une croyance. C'est on s'est mis d'accord sur ça, que ça avait de la valeur et on pouvait faire de l'échange avec. Mais ça n'a aucune réalité, en fait, la monnaie. C'est une écriture dans un livre de comptes. Tu vois ce que je veux dire ? Pas le même que celui de la logique floue. Hein. Ouais. Mais même oui. Non, mais les oiseaux aussi, ça n'existe pas dans ce cas. Non, mais c'est vrai que c'est un débat qui remonte même à Aristote. C'était quand même une des questions fondamentales d'Aristote, c'est de savoir est-ce que ce qui est vrai à nos yeux n'est pas simplement un concept, une perception, plutôt qu'une vraie réalité, en fait. Qu'est-ce qui est construit par notre esprit et qu'est-ce qui est vrai, en fait, la notion de réalité, c'est pas facile à définir. Et quand je vous parle de tout ça, c'est essayer de comparer à des animaux. Bon, on connaît mal les animaux, c'est là où j'aurais bien aimé avoir Pierre, etc. Mais je suis sûr qu'ils vont réagir et on pourra en parler à la prochaine roue libre. Mais réfléchissez aux animaux, comment fonctionnent les animaux. En fait, quand vous avez un groupe d'animaux, en tout cas de ce que j'en connais, il va avoir envie de protéger sa collectivité et de se nourrir et de survivre et de s'abriter, etc. Ça va être des choses beaucoup plus concrètes, s'abriter, se nourrir, protéger les siens. Que de dire, comme on est d'accord ensemble sur le concept de France, on va pas se taper dessus quand on va se rencontrer. Ou dans les autres choses délirantes sur les croyances, c'est le sport. Vous arrivez à faire que deux groupes d'individus qui ne se sont jamais parlé d'Ève ou d'Adam arrivent à jouer ensemble, quoi. Mais c'est vrai que c'est super important comme problème, en fait, parce que chacun a sa propre définition de la réalité et ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller qu'est-ce qu'un être humain, passer un temps, les Noirs n'étaient pas des êtres humains, les femmes n'étaient pas des êtres humains, ça peut aller très très loin comme débat et je pense que c'est très important, en fait, effectivement, de réfléchir à ça. Bon, et pour revenir un peu sur le sujet, donc pour continuer sur le livre avant de passer au suivant, celui qui résonnait beaucoup et qui va être plus vers les machines, en fait, après une suite interrompue de croyances, c'est un peu ce dont il parle dans le bouquin, ben on s'est mis à avoir des croyances qui étaient encore plus globales, les religions ont été encore plus globales que certaines croyances plus locales, et puis finalement, on a l'argent qui est arrivé et qui a été une croyance qui a permis globalement de vraiment mettre d'accord les gens entre eux, parce qu'ils arrivaient à faire de l'échange sans se taper dessus. Alors, on est en train de parler, je parle du bouquin qui parle de l'histoire de l'humanité, c'est pas la peine de tomber dans une critique du consumérisme qui va être quelque chose de très récent par rapport à l'histoire de l'humanité, ça aurait pas vraiment de sens, mais voilà, juste réfléchir au fait que, juste une bête croyance sur le fait que ces trucs-là ont de la valeur, vous pouvez penser au dollar par exemple, qui a une place importante, ça permet à des milliards d'humains de cohabiter et de collaborer sans se taper dessus. Grosso modo, c'est ce que ça dit. Et une collaboration à cette échelle... surtout sur cette étendue géographique. Alors, j'avais envie de dire, ne s'est jamais vu dans le monde animal, je vais peser mes mots parce qu'à chaque fois que je dis ça, je me fais taper dessus par les biologistes, mais je pense que c'est quelque chose qui, en effet, est soit jamais vu, en tout cas qui est très très rare, et c'est grâce aux croyances qu'on l'a mis en place. Il n'y a pas eu de système biologique, il n'y a pas eu de système, etc. C'est vraiment juste le fait de croire en la même idée qui a fait que on se tape pas dessus. Alors, juste pour en dire deux mots, vu que c'est quand même le sujet du podcast, la dernière partie du bouquin parle de la révolution scientifique. Je ne vais pas en parler ici, parce que ça ne me paraît pas être le sujet, mais c'est hyper intéressant de voir aussi comment est arrivée la science, et en particulier par rapport à tout ce qui peut être la critique des pseudo-sciences, etc. C'est que la science s'est créée sur l'idée qu'on ne savait pas, et pas sur l'idée qu'on savait. Et justement, la vraie révolution scientifique, ça a été de se dire, bah, peut-être qu'en fait, je ne sais pas. C'était juste deux mots, voilà. Donc tout ça pour dire qu'on se rend compte que même historiquement, les histoires, et ce que j'appelle histoire, je mets plein de parallèles ici, histoire, légende, mythe, tout ça, c'est ce qui est constitutif en fait de la manière dont on s'est développé, de la manière dont on arrive à vivre ensemble. Et donc c'est pas anodin du tout, et comme on voyait juste avant, c'est quelque chose qui est plein de contradictions. Vous pouvez prendre n'importe quelle religion, n'importe quelle idée politique, vous verrez, c'est bardé de contradictions, et c'est ce qui nous définit, et c'est des choses du coup qui est très compliqué à faire pour les machines parce que c'est bardé de contradictions. Alors justement, j'y viens au deuxième livre sans rapport et qui pourtant s'est mis à raisonner, qui s'appelle « Humans are underrated », qui veut dire « les humains sont sous-estimés » et qui cherche justement à répondre à la question de ce qui caractérise l'humain et le rendra encore plus utile vis-à-vis de la machine. Ah bah, tombé. Juste deux secondes là, le titre traduit en français c'est « Humans are underrated ». Je disais « les humains sont sous-estimés ». Sont sous-estimés, d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a toute une tendance à se dire que l'humain ne sert plus à rien, parce que les machines pourront le remplacer. Et en fait, ce qui est amusant, c'est là où je disais que ça résonne, c'est que ce deuxième livre arrivait un peu aux mêmes conclusions, sauf que le premier racontait l'histoire de l'humanité, celui-là essayait de réfléchir à ce qui caractérisait l'humain. Et lui, il disait, bah, l'humain, ça raconte des histoires, ça se donne des objectifs, et aujourd'hui, ça le fait mieux que les machines, ça. Alors bien sûr, juste après vous avoir dit qu'il y avait toute une bardée de tests de Turing, à partir du moment où vous donnez un test concret, c'est trop tard, la machine réussira à le faire, il y a de grandes chances que demain, on arrive à trouver des machines capables de raconter des histoires, de créer de la musique, des peintures, et qu'on se demande, etc. Et même on en a déjà, et même on se demande si elles ne sont pas derrière les scénarios des Feux de l'amour, ça serait rassurant. Et en tout cas, nul doute qu'elles seront capables un jour de raconter des histoires au moins aussi bonnes que la plupart des romanciers d'aujourd'hui. Donc, non, derrière les Feux de l'amour, c'est des humains qui ont essayé d'imiter un ordinateur. Ouais, ça doit être ça. C'est pas uniquement ça. Le livre met en avant, en fait, l'importance de la communication d'humain à humain. Et alors, c'est marrant parce qu'on se met à commencer sur des choses très complexes et on retombe sur des trucs tout bêtes et de se rendre compte que la communication humain à humain est extrêmement importante. Il y a même des tests qui ont été faits pour montrer que plus que l'histoire, l'humain s'attache à la façon de raconter, au storytelling, la façon de raconter, donc, qu'on appelle le storytelling en anglais, et à qui raconte l'histoire, au fait que ce soit un humain qui raconte l'histoire. Lorsqu'un conteur vous raconte une histoire, en fait, il y a des études qui ont montré que les cerveaux pouvaient se synchroniser avec les personnes qui raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes régions qui s'allument, etc. Et donc, il y a un vrai besoin sur la communication interhumain. On se rend compte aussi que quand un humain ressent une émotion, il est quasiment impossible qu'il n'en ait pas une expression faciale. Et ça, c'est mine de rien une différence de taille, surtout quand on se rend compte de tout l'apport historique des histoires, c'est que l'humain raconte des histoires et qu'il aime se les faire raconter par d'autres humains. Alors ça, c'est pas anodin. Ben, je sais pas, en fait, j'essaie de retranscrire un peu tout ce que j'ai lu, je sais pas si vous réalisez un peu, mais c'est des choses en fait qu'on entend peu sur tous les côtés intelligence artificielle, parce que tout ce côté racontage d'histoire, storytelling, c'est des choses qui sont assez éloignées de la science. On en a parlé la semaine dernière quand Alan parlait de Big Bang Science. C'est vrai que les scientifiques ne sont pas éduqués dans cette logique de storytelling. Mais on se rend compte que, un, c'est important et que c'est une vraie différence avec les machines qu'on a aujourd'hui. Alors, on va venir sur est-ce que c'est vraiment des choses qu'on veut que les machines fassent. Mais en tout cas, c'est une différence. Mais ça me fait penser, j'espère que vous m'entendez à peu près, moi ça me fait penser combien j'ai l'impression que les humains sont capables de s'attacher aux machines. On en voit de plus en plus maintenant des robots et combien si on avait un robot qui était capable d'exprimer des émotions, en fait il pourrait très bien remplacer les humains. Je pensais récemment à ce vieux film, je ne sais pas si qui s'appelait I Love You, je crois, où ce gars il s'était attaché à son porte-clés parce que chaque fois qu'il sifflait, son porte-clés lui disait I Love You et c'est devenu une personne pour le personnage en fait. Super intéressant. Ce qui va dans ton sens, Irène, dans le bouquin, j'en ai pas reparlé ici, mais ils ont fait 2-3 tests qui sont assez intéressants, c'est qu'ils se sont rendus compte et ils l'ont prouvé, enfin entre guillemets prouvé, sur ces trucs-là, c'est très compliqué d'être prouvé en mode rigide, c'est que les humains sont sont des machines à raconter des histoires, et ils leur ont mis des vidéos les plus basiques possibles, et après ils posaient des questions, et tu voyais que les gens racontaient une histoire avec ces questions. Je crois qu'il y avait une vidéo où il y avait un carré et un triangle qui arrivait vers le carré, et quand il touchait le carré se déplaçait. Et bien, il racontait, ben, le triangle a entrechoqué le carré, etc. Et s'il faisait bouger un tout petit peu le carré juste avant que le triangle arrive, il disait ben, le carré n'avait pas envie de se faire toucher. Donc, il mettait une intention au carré. Alors que c'était que des choses, des formes géométriques à la con qui bougeaient, tu vois. Et ça va vers ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à partir du robot, dans les découvertes de robotique, alors là, c'est très loin de ce que j'ai pu fouiller, etc., mais on voit très bien que les robots à qui on a mis des yeux sont vachement plus attendrissants que les robots à qui on met pas d'yeux, quoi. Mais ouais, d'une manière générale, je trouve bien que ça fait vachement penser. Enfin, finalement, la force de, enfin la force, une des choses essentielles que l'humain a, que l'ordinateur voit pas bien comment il peut avoir, c'est des analogies pertinentes, quoi. C'est-à-dire que, enfin, j'y pensais au début, juste parce qu'on est sur Podcasters, on passe notre temps à essayer d'expliquer des trucs, et pour expliquer des trucs, on fait des parallèles, on prend des images. Mais c'est exactement la même chose que ça. Enfin, on fait des rapprochements, on raisonne vachement par analogie, et je pense que même si un jour on arrive à faire des ordinateurs qui font des analogies, je pense qu'on n'arrivera pas à faire en sorte que toutes ces analogies nous paraissent pertinentes, tout nous parle, nous touche. Alors là-dessus, il y a plein de trucs. D'abord, dans le bouquin dont il parle, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il parle de tout un passage, et je ne l'ai pas retranscrit parce que c'était un peu long, et etc. Mais il parle de l'armée, en fait, qui a essayé d'introduire des humains et qui a été obligée d'y remettre des machines, et qui après a été obligée d'y remettre des humains parce qu'elle s'est rendue compte que ça marchait mieux que des humains accompagnés de machines. Et ça va là-dedans, dans le fait de la manière de communiquer d'humain à humain. Et après, pour revenir sur ce que tu dis, enfin, c'est ce que j'ai imaginé tout de suite, c'est qu'à Podcast Science, c'est ce qu'on fait. Enfin, on essaie d'épisode en épisode de trouver la bonne histoire à raconter pour présenter les idées scientifiques. Et même, ça c'est nous qui sommes pas spécialement des scientifiques, en tout cas pour la plupart, et puis sur certains sujets qu'on raconte, on n'est pas forcément des spécialistes. Et même les scientifiques qu'on a pu interviewer, rappelez-vous, ils nous parlent de la bonne histoire à raconter. Je sais pas si vous vous rappelez, moi c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai titillé Gisin dessus et il a très bien raconté, répondu. Quand il parlait de l'intrication quantique, il disait on a les équations qui fonctionnent, mais on sait pas comment raconter l'histoire. Et c'est ça qui était important. Quand vous réfléchissez à la relativité telle que nous l'a raconté Usan, à la fin de la saison, il nous disait que la base, c'était que l'histoire qui était racontée avec toutes les actions à distance, etc., ou avec les paradoxes que faisait Einstein sur des expériences un peu bêta, ben, elle marchait pas. Et du coup, il savait pas raconter la bonne histoire, même sans qu'il y ait trop de problèmes pour théoriser et pour prévoir. C'est ce que raconte aussi Poincaré sur la différence entre s'assurer qu'une démonstration est valide et la comprendre. Ouais, voilà. C'est complètement comprendre. Et ça, c'est se rendre compte qu'à quel point c'est important pour nous. Et alors, pour tout vous dire, quitte à faire mon coming out, de toute façon, je vais être un peu obligé de le faire avec la NIPConf. Ça, c'est une approche. Et même pour moi, qui a commencé dès ma première apparition dans le podcast, où j'ai choisi d'un nom de scène Nicolas pour en faire comme un nom de personnage pour raconter le podcast, donc qui n'est pas mon vrai nom, teasing, tout ça. Oh, non, c'est vrai, c'est même pas ton j'avoue, vrai nom. J'avoue, vous tous. Et je dois l'avouer en parce fait, que... ça me fait aussi penser, je sais pas si je digresse, mais ça me fait penser à combien nous, êtres humains, nous avons besoin d'extrapoler nos sentiments aux animaux aussi. Ouais. C'est ça, les voir tristes. Chaque fois qu'on voit des animaux, on a besoin de leur donner des sentiments comme s'ils étaient des humains. Ouais, c'est ça. Même les machines, même les personnages. Enfin, tu te rends compte qu'on le fait tout le temps. On est tout le temps en train de raconter des histoires. On va mettre des yeux et une bouche à une bouche d'égout parce qu'on trouve qu'elle a un sourire, quoi. Bref. Alors, pour en finir un peu, parce qu'on avance. Arrivé à ce stade, là, on se sent un peu con, parce qu'on se rend compte que ce qui caractérise l'humain face à la machine, bah, c'est qu'il est très, très humain, quoi, finalement. Alors, très humain, je fais exprès d'utiliser un terme qui ne veut pas dire grand-chose, c'est qu'on en arrive à se dire, est-ce que demander à la machine de devenir humain, c'est un but qui est intéressant? Et en fait, on se rend compte surtout que c'est un but qui sera probablement jamais atteint, parce qu'il n'intéresse pas grand monde que la machine devienne un humain. Par contre, on sait que la machine est déjà capable de beaucoup plus que nous dans bien des domaines. Donc en fait, par rapport à tout ce que j'ai raconté là on va y venir à mon interprétation personnelle, je pense qu'en fait notre rôle futur est plutôt de réussir à conserver ce qui fait la spécificité de l'humain et d'en tirer parti, que de réussir à faire que la machine réussisse à devenir un humain. Et il faut plutôt considérer les machines de plus en plus intelligentes un peu comme des aliens, des extraterrestres, depuis le temps qu'on en attend, parce que leur cerveau n'est pas fait comme le nôtre. Et alors, pour vous donner un exemple, pour finir ce dossier, j'ai essayé d'imaginer cette révolution de l'apprentissage du deep learning, mais à l'époque de Ptolémée. Si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est un truc que je trouve amusant, Ptolémée avait proposé un système pour modéliser les mouvements des planètes où il considérait que la Terre était au centre et le mouvement de la plupart des planètes, il les mettait sur des cercles et puis il dessinait des sous-cercles sur les cercles et des sous-sous-cercles sur les cercles pour réussir à coller au mieux au mouvement des planètes. Et en fait, son modèle, il était très très précis et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il pouvait être affiné à peu près comme il voulait en ajoutant toujours plus de cercles au premier cercle. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on pourrait imaginer de nos jours de mettre en place un système d'apprentissage qui prendrait comme hypothèse ce système de cercles avec la possibilité d'apprentissage de mettre autant de cercles qu'il souhaite avec les bons rayons, etc. pour coller au mieux aux observations. Et je suis à peu près sûr, j'ai pas eu le temps de faire le test, LJJ si tu m'entends et que t'as envie, vas-y, qu'on obtiendrait un système aussi efficace que complexe avec tout plein de cercles partout, mais il y a des chances qu'il soit très très efficace parce que le système de Ptolémée à l'époque il était déjà très efficace. Et alors du coup, avec un système comme ça, si on avait été à cette époque-là, on n'aurait pas eu besoin de définir le système de Newton, la mécanique relativiste peut-être même. Il faudrait voir si on arrive à faire coller avec des modélisations de cercles très complexes. Parce qu'on aurait un système qui marcherait avec des ordinateurs. On aurait juste échangé ces histoires, parce que le fait de dire les planètes font des ellipses, c'est une histoire, une façon de raconter l'histoire qui est plus simple que le système de Ptolémée, et encore faudrait définir simple. Le fait de raconter que l'espace est courbe, c'est une autre façon de raconter un calcul. Et on l'aurait échangé contre une grande efficacité de calcul couplée à une grande mémoire. Et alors, en fait, pourquoi j'en viens à ça ? C'est pas pour remettre en question toutes ces théories, c'est plutôt pour vous dire qu'à chaque fois que vous voyez un algorithme d'apprentissage efficace, il faut vous dire qu'il pose cette question-là, en fait. Est-ce qu'il y avait un moyen plus élégant de le faire ? Et surtout, le truc, c'est qu'à partir du moment où on va avoir des systèmes très efficaces d'apprentissage, il y a des grandes chances qu'il n'y ait quasiment plus personne qui se pose la question de savoir s'il y avait un moyen plus élégant de présenter les choses, une meilleure histoire à raconter. Et c'est là où ce sera important de garder ça en tête, parce qu'il n'y a sans doute que nous, pauvres humains, pour nous poser ces questions-là et essayer d'y trouver des réponses, parce que les machines, comme je vous disais, considérées comme des aliens, ça ne les intéresse pas. Elles ont résolu le problème. Voilà ma conclusion. Je ne sais pas si ça vous parle, cette conclusion. Moi, je trouve ça très, très intéressant et super important aussi, en fait. Je pense que c'est vraiment des questions, c'est un peu bête, mais j'allais dire, mais qu'on devrait tous se poser, en fait, parce que c'est la façon dont on fonctionne au fond et ça peut apporter tellement de dérives dans la vie de tous les jours que je trouve ça vraiment, vraiment très important, ouais. J'ai pas trop écouté la conclusion, je suis désolé, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps, mais je faisais autre chose, mais oui, je sais pas si t'en as parlé, mais il y a la question de poser des questions aussi, quoi. Ouais, c'est ça, tout ce qui est, enfin, pour moi, j'ai mis tout ça dans raconter une histoire, mais c'est vrai qu'il y a poser des questions, etc. Et en fait, sur les algos, moi, c'est tout ce qui m'a toujours frustré sur l'apprentissage. Et après ces lectures, ça continue à être un peu pareil. C'est que c'est très efficace. Ce dont on a parlé la semaine dernière, les reconnaissances d'images, c'est très efficace. Mais comme je vous disais, c'est une boîte noire. Et ce qui est sûr, c'est que plus ça marchera, moins on se posera les questions de savoir s'il n'y avait pas une manière plus intelligente. Alors, en fait, c'est pas plus intelligente, c'est plus humaine de modéliser le problème, quoi. En racontant une histoire plus simple pour nous, etc. Ouais, mais voilà, mais le truc, ce qui est intéressant, c'est que il y a deux choses qui se décollent, c'est résoudre un problème et le résoudre pour nous, quoi, le comprendre. Enfin, c'est vraiment toujours la même idée. Pour moi, je trouve que c'est et du coup, se pose toujours la même question. Mais c'est une question qui se pose depuis longtemps déjà. Mais est-ce qu'il faut que l'humain abandonne tout ce que l'ordinateur fait mieux que lui ? C'est-à-dire que la question se pose, par exemple, depuis longtemps, de savoir si c'est intéressant ou pas d'apprendre à faire des multiplications. Aux gamins, et puis on pourrait se poser la question pour tout ce que l'ordinateur fait mieux que nous, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, est-ce que ça vaut bien la peine d'apprendre des trucs par cœur alors que de toute façon, si t'as ton téléphone à portée de main, t'as la réponse à toutes tes questions instantanément, etc., etc. C'est une vraie question, je pense, que de savoir. Finalement, faut peut-être se poser la question de savoir ce qui vaut le coup de continuer à être fait. Ouais, c'est ça, de continuer à être fait, et en particulier... Parce qu'il y a plein de savoir-faire qu'on a perdu leur intérêt dans l'histoire. Et en fait, moi, je pense que là-dedans, la réponse, c'est que sans doute, il va falloir se forcer à continuer à travailler sur des sujets déjà résolus par les ordinateurs. C'est ça. Mais ça, je pense que de toute façon, enfin, les maths, c'est une bonne image de ça. Enfin, c'est assez optimiste là-dessus. C'est-à-dire que les mathématiciens, généralement, ils sont pas contents quand ils ont une démonstration qu'ils ne comprennent pas, quoi. Et généralement, ils démontrent un résultat de 15 façons différentes, et c'est comme ça qu'ils sont contents parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un peu mis de sens dedans. Et c'est vraiment naturel chez eux. Enfin, je veux dire, le théorème des quatre couleurs, je pense qu'il y a toujours une énorme frustration de se dire que la plus grosse partie de la démonstration est faite par des calculs brutaux, quoi. C'est-à-dire qu'on constate que ça marche, on ne comprend pas pourquoi ça marche. Et je pense que c'est vrai pour d'autres choses que pour les maths, ce genre de choses. C'est le truc de la Dupont de Poincaré, le théorème des quatre couleurs, là ? Non. Parce qu'il y a aussi la conjecture de Poincaré, non, qui a été démontrée par... De Kepler, non. Kepler. Ah, d'accord, je confonds. Ouais, non, Poincaré, c'est pas par ordinateur, c'est par quelqu'un d'un peu spécial, on va dire. juste deux mots, j'ai oublié avant qu'on passe aux questions d'auditeurs, sur quelques références. Donc, je vous en ai déjà parlé, Sapiens, A Brief Story of Humankind. Pour moi, il faut absolument lire. Enfin, c'est vraiment passionnant. Irène, t'avais l'air passionnée. Vas-y, fonce. Dans les pas obligés à lire, mais si vous êtes passionné par tous les paradoxes qui font chauffer le cerveau, il y a The Outer Limits of Reason, qui parle un peu de tous ces paradoxes, etc., qui est intéressant. On a un podcast francophone, hein, c'est ça ? Ouais, désolé. Voilà, on a des questions d'auditeurs, du coup ? Alors, on les a plus ou moins posées au fur et à mesure. J'en ai deux, quand même. On pourra faire des nounous robots. Ça, c'est... J'ai pif. C'est une question ? Je ne sais pas à quel moment il le disait exactement. Je ne sais pas si c'est bon, une question, bref. Mais ben, tout ça, les nounous robots, pour moi, ça rentre dans la même catégorie que la plupart des résultats un peu débiles de robots. C'est-à-dire que... Je pense que ça fait, enfin, débile au sens, robot qui sait faire des échecs, etc. Je pense qu'il y a des chances qu'on arrivera à faire toute une partie du boulot de la nounou. On arrivera à faire toute une partie du boulot de la nounou par un robot. Après, la vraie question qui va se poser, c'est du rapport humain à humain, parce que tu as plein de tests où tu me vois quand les bébés sont pas avec des humains, ils dépérissent, quoi. Ils sont pas bien. Et l'autre question. Tu avais quelque chose, Irène, peut-être à dire, vu que tu as eu des enfants, c'est peut-être plus intéressant que moi. Ça me fait penser, à un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, où c'était un gars qui achetait des poupées sexuelles, en fait. Hein. Et il décrivait combien il en avait 3, je crois, et c'était ses compagnes maintenant, alors que ce sont des poupées à l'origine, et elles ont chaque personnalité, et il les habille le matin, et il leur parle, et elles sont toutes les 3 différentes, et en fait, il les a complètement humanisées. Je pense que c'est pas le seul, et là, je c'est pense bien qu'on connu. Va, mais... qu'on va loin, là. Mais ouais, pas très bien, en fait, c'est un peu... Bah après, c'est vrai qu'après, il y a des dérives, là-dessus, hein, forcément. Moi, tout ce que je saurais pas dire un truc plus intelligent que Her, le film dont on a parlé tout à l'heure, qui paraît être un traitement qui est extrêmement intelligent de la question. Qui est moins sexuel sans doute que ce dont tu parles, mais qui est très très intelligent, je trouve, parce que il permet de. C'est pas dit, il y a quand même des scènes de sexe dans Her. Ouais, mais au côté où il permet de se rappeler que un robot c'est un robot. Et dans Her, ça fout une claque assez intéressante. Oui, j'avais bien aimé aussi. Et on a une deuxième question. Pardon, excuse-moi, Irène, je t'ai interrompu. Vas-y, John. Donc on en avait une deuxième question de. Je n'ai pas marqué le de qui c'était, du coup, il faudra que je retrouve. De GPIF encore. L'inquiétude de Musk, Bill Gates, Hawking, justifiée, non justifiée aux questions idiotes. Et donc, du coup, il va falloir que tu rappelles ce que c'est à chaque Alors, fois. Je pense que Bill Gates, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Hawking et Musk, c'est un peu de mémoire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ils ont peur que... je suis partagé. Ils ont peur sur le message que une intelligence artificielle qu'on contrôle pas, ça peut être dangereux. Je pense que c'est un message qui est pas stupide. En particulier, on l'a vu que si on laisse des machines trop rationnelles réfléchir d'elles-mêmes et avoir du pouvoir, ça peut donner n'importe quoi. Je l'ai fait de manière marrante avec le paradoxe du test, mais il y a d'autres exemples. Hein. Il y a un crash boursier qui est dû à des machines qui réagissaient entre elles de manière stupide. Après, moi, je trouve que dans cette vision surtout de Musk et un peu de Hawking, le problème, c'est qu'ils croient trop qu'on va avoir des machines qui vont vraiment ressembler à des humanoïdes très intelligents. Et ça, j'y crois moyen. Mais après, c'est très personnel. Ok, donc je vais passer directement au pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on reçoit un invité. Je vous lis le pitch qu'on avait préparé. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de suivre certains leaders au bout du monde, les yeux fermés ? Pourquoi certaines personnes galvanisent les foules avant même d'avoir ouvert la bouche, alors que d'autres ne sont jamais écoutées ? En d'autres termes, qu'est-ce que le charisme ? Si vous ne vous étiez peut-être jamais posé la question. Vous ne vous étiez peut-être jamais posé la question. Heureusement, il y a des chercheurs dont c'est le métier et qui partagent volontiers leurs découvertes. Nous avons l'honneur de recevoir l'un des plus grands spécialistes de la question, la personne de John Antonakis, professeur de comportement organisationnel à l'Université de Lausanne en Suisse. Donc je rappelle que depuis donc cette année, ça sera sans doute ça sera une interview en deux parties du coup, enfin qui sera enregistrée en une seule partie, mais qui sera diffusée en deux parties. Voilà, donc sur les deux épisodes suivants. Donc 230 et 231. J'avais juste un truc à rajouter avant la côte. Un truc à rajouter, j'ai pas eu le temps d'en parler dans le dossier, etc. C'est qu'une question auquel j'ai pas abordé parce que le dossier était déjà long, c'est est-ce que mon métier va être remplacé par une machine à court ou à long terme ? Et je trouve que c'est une question intéressante parce que moi je partais un peu fier en disant non, moi aucune chance, ce que je fais est beaucoup trop compliqué pour que ce soit remplacé par une machine. Et du fait de tout ce que j'ai dit, comprenez bien qu'en fait, c'est les rapports humain à humain où on raconte des histoires qui seront difficilement remplaçables par des machines. Et du coup, ça fait réaliser qu'il va falloir mettre un peu plus de ça dans nos métiers si on ne veut pas se faire remplacer par des machines rapidement, quoi. C'est rigolo parce que c'est une question qu'on se pose. On va tous devenir des podcasteurs. Non, mais c'est ça. C'est une question qu'on se pose, nous, je ne vais pas dire quotidiennement, mais très régulièrement au Palais de Découverte, parce qu'avec tout ce qui se développe sur Internet de vulgarisation de science qui est hyper bien foutu, on peut penser aux vidéos, il y a y penser, il y a... Ouais, bien sûr. Mais justement, c'est... Quelle est la différence ? Qu'est-ce qu'on apporte de plus, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui poussent. Nous, on a régulièrement des gens qui nous demandent de faire, au niveau de notre direction, qui nous demandent de faire des enregistrements de vidéos, de faire des visioconférences, des machins comme ça. Et finalement, je trouve que c'est exactement ce que tu dis. Ça pose la question. C'est-à-dire que soit on considère que, OK, on peut faire ce genre de choses et que finalement, on n'y perde pas. Et que très bien, faisons ça. Soit ça veut dire que ça pose la question de qu'est-ce qu'on apporte de plus quand le public vient nous voir. Et donc du coup, ça veut dire aussi s'adapter, c'est exactement ce que tu dis, s'adapter pour que ce qu'on fait ne soit pas remplaçable par ça. Parce que d'une certaine manière, oui, OK, ça reste des humains, mais n'empêche que c'est aussi la question des machines, la question posée par les machines, c'est aussi ça, parce que les machines, ça va bientôt recouvrir aussi, c'est déjà le cas, tout ce que ça peut emmagasiner, tout ce que ça peut engranger comme savoir, tout ce que ça peut... Je veux dire, je dis n'importe quoi, mais c'est déjà un peu le cas. T'es face à une machine, t'es face à Google, t'es face à un moteur de recherche quelconque, d'ailleurs. Tu te poses une question, tu lui poses la question en langage pourri et il va te trouver une réponse. Donc, c'est déjà, d'une certaine manière, une machine qui le fait. Tu vois, je cherche à me renseigner sur un sujet qui est traité au Palais des Découvertes. Pourquoi je bougerais de chez moi, quoi ? D'une certaine manière, les algorithmes me donnent une réponse qui peut être satisfaisante. OK. Comme vous avez peut-être pu l'entendre lors de l'épisode de rentrée, pour ceux qui étaient là au live de la semaine dernière, Alan relance au live d'il y a deux semaines, du coup, Alan relance les bons vieux quiz. Pour la prochaine émission en roue libre, il répondra à la question « Il faut boire 2 litres d'eau par jour, un fou ou un tox ?» Alors, qu'en pensez-vous ? On ne vous demande pas une réponse bien détaillée. Hein. On cherchera nous-mêmes les sources. Vos histoires, anecdotes, avis sur la question sont ce qui nous intéresse. Alan se charge de la réponse officielle. Je répète la colle « Il faut boire 2 litres d'eau par jour, un fou ou un tox ?» Robin, tu avais... J'avais un plug, ouais, non. Non, mais attends, on a fait ma quote ou pas ? Mais non, on n'a pas fait ta quote. Non, on n'a pas fait ta quote. Il faut faire la quote, les amis, là-haut. C'est quoi la faute ? N'importe quoi, vas-y. Et c'est Irène qui la lit en anglais. Ok. Moi, je veux bien si mon son il est correct. Ça va pour l'instant ou alors c'est Robin. Ah non, mais Johan, tu parles anglais, toi. Allez, ouais, Johan, on n'a jamais entendu ton anglais, je crois. In 5 or 10 years, what will people do better than computers ? His response, very little other than joy. Voilà, que j'ai trouvé donc ce magnifique bouquin de Human Underrated et qui veut dire en français, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que les humains feront mieux que les ordinateurs ? Sa réponse, très peu de choses à part prendre du plaisir. S'amuser, ouais. S'amuser. Ouais. On pourrait le traduire aussi à part vas-y, amuse-toi. Peut-être, ouais, mais alors ça veut rien dire à part vas-y, amuse-toi. On peut le traduire par des choses qui ne veulent rien dire, ça marche aussi. Non, mais au sens où tu peux dire à un humain en lui donnant un problème, en lui disant vas-y, amuse-toi, alors que tu peux pas le dire à un ordinateur, c'est ça que je veux dire. D'accord, ça me va. Du coup, on peut passer à ton plug énorme. Alors, mon flog énorme. Non, oh, s'il te plaît. Non, en fait, c'est juste un truc. Et en plus, tu l'as écrit en énorme dans les notes, je vois. Oui, enfin, j'ai fait un copier-coller juste de la page où on peut trouver ce jeu. En fait, c'est pour un jeu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vu après. Enfin, je suis tombé dessus. Je sais plus comment. Me demandez pas comment. Je passe mon temps à chercher des informations sur plein de trucs et je passe de page en page et de temps en temps je tombe sur des trucs marrants. Et donc là, c'est un jeu. Et ce qui est marrant, c'est que la version française, c'est Jean-Philippe Usan qui a traduit. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Je savais pas qu'il avait fait ça, il m'en avait pas parlé. Et en fait, c'est un jeu qui va plaire à tous les gens qui ont apprécié notamment l'épisode d'LGJ sur la topologie ou les choses comme ça. Tous les gens qui sont fanas des rubans de Möbius ou autre objet genre Thor en dimension 3, 4, tout ça, des choses comme ça. En fait, c'est une série de 9 jeux qui se jouent sur un Thor, mais en fait, on joue à plat, c'est-à-dire qu'on joue sur un carré. Et le bord droit du carré, c'est la même chose que le bord gauche du carré. Et le bord haut du carré, c'est la même chose que le bord bas du carré. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'LGJ sur la topologie, ce qui est une erreur, vous prenez un carré, vous collez son bord droit avec son bord gauche, ça fait un cylindre. Et ensuite, vous collez le dessus avec le dessous et ça vous fait une bouée, ce qu'on appelle un tore en maths. Et en fait, donc, ça veut dire que si on dit que quand on sort par le haut de l'écran, on rentre par le bas de l'écran, quand on sort à droite, on rentre à droite, on est en fait en train de jouer sur une bouée. Donc tout le monde a déjà joué à serpent, c'est le principe. Et là, l'idée, c'est de jouer, par exemple, à du billard sur un tore. Et non, là, c'est sur une bouée. Donc là, c'est très drôle. C'est-à-dire que vous envoyez la balle là-haut, puis elle repart par en bas et tout. Donc c'est pas du tout évident de la mettre dans le trou. Et puis, vous pouvez jouer aussi à des mots croisés là-dessus. Donc les mots, ils commencent en haut à droite et puis finissent en haut à gauche, etc. Enfin, moi, il y a des choses assez rigolotes comme ça. Du morpion aussi, je vois. Il y a du morpion aussi. Et il y a même du morpion 3D. Où donc en fait on est dans un cube et là pour le coup c'est la face de devant, la face de derrière c'est le même endroit, la face de gauche, la face de droite c'est le même endroit, la face d'en bas, la face d'en haut c'est le même endroit et là ça devient mais hyper chaud les marrons, on se fait des nœuds au cerveau, c'est super drôle. Et donc en fait quand l'ordinateur gagne et qu'il vous montre l'alignement, on est là non mais c'est pas un alignement quoi, c'est une blague. En fait si c'est un alignement, il y a aussi un labyrinthe qui se passe dans le même monde. Enfin voilà, c'est très rigolo et voilà, et c'est gratuit, ça se télécharge. Donc à une adresse qu'on va mettre, ça s'appelle Taurus Games et c'est un des premiers trucs qu'on trouve quand on tape ça sur un moteur de recherche, pas forcément le premier mais voilà. Sur je l'ai trouvé immédiatement sur le comment avec ça s'appelle en français l'App Store de d'Apple. D'accord. Enfin bon, bref, c'est vraiment très rigolo. Ok, et pour la question à Mister No, ce que vient faire Thor là-dedans, je pense que c'est une référence au Thor sans H. Oui, T-O-R-E, c'est le nom que les matheux donnent à la bouée, enfin à la chambre à air, quoi. C'est une blague de matheux, quoi. Ouais. Ok. Et tu vois, j'ai fait au moins un heureux, je suis assez content. LGJ. Non, Brucicor. Mais j'ai l'impression que c'est du bon matou aussi, lui. Ça fait un moment que j'ai repéré. attends. Et du coup, donc il a été traduit par Jean-Philippe Usan et Roland Lehoucq. Donc ça a été traduit en français par Jean-Philippe Usan et ouais, tout à fait Roland Lehoucq, ouais. Ouais. Et ils disent à partir de 10 ans. Et je pense qu'effectivement, on peut mettre un gamin là-dessus. Après. Qu'est-ce qu'il va en comprendre, je sais pas, mais je pense qu'il va finir par comprendre assez rapidement, en fait. Enfin, tant que c'est en 2D, en 3D, c'est quand même vraiment violent. Bah, un gamin de 10 ans peut jouer au serpent, hein, donc après, c'est juste... Oui, voilà, c'est ça, ouais. Plus intéressant. Ouais. Bon, les amis, on conclut nos épisodes qui maintenant sont courts, depuis la Révolution. C'est vrai qu'ils sont super courts, hein. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. C'est ainsi que d'autres personnes peuvent nous découvrir et nous encourager. Du coup, vous pouvez aller sur la page Facebook de Podcast Science, sur Google+, mais dépêchez-vous avant que ça disparaisse, sur SoundCloud, pour nous partager, nous liker, commenter les dossiers. Sur notre site internet podcastscience.fm, vous pouvez retrouver les dossiers, sources et les interviews en version écrite. Si vous voulez nous encourager financièrement pour organiser des événements et acheter des bouquins, vous pouvez aller nous faire des dons sur notre site Patreon. N'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer de l'aide, des encouragements ou juste des idées, on aime bien. Restez polis tout de même. À la semaine prochaine, salut. C'est quoi c'est le site sur lequel on met nos sons? C'est les sons de Claude, c'est ça? SoundCloud. Donc venez nous faire des commentaires sur les sons de Claude et que servir la science soit votre joie. Les sons de Claude, la version béret baguette de SoundCloud. J'ai trop envie de créer le site web. Quand tu dis Adobe, c'est Adobe ou attends, oui, c'est Adobe. Excuse-moi, c'est Adobe. Oui, les pardon. Bon, d'accord. C'est Adobe Edition. Ok. That's perfect.